8. A. Déjà. Image. Française. Côte d'Azur. Fromage. Michel. France. Jour. Cocher. Bonjour. Charpentier. Virginie. Choisissez. Sophie. Chercher. Franck. Stéphanie. Phrase.